Paul. Rosalie, c'est ma bonne amie. Ils sont là-haut, là-haut. Pas nos premiers, mais au sixième. Il fait froid, il fait chaud. C'est là qu'on se rassemble pour boire un coup et manger un morceau. Vive les enfants de Jean-Bart, ce sont les fameux gaillards pour les fêtes et pour les bas du carnaval. Et puis moi, oui, tu seras content.